champion est là. Le champion est là. Le champion est là. Le champion est là. Même dans le ZEP, j'ai encore le jus. Pourquoi si je kick to Wiz, vous jure encore 3 points dans le HF. Quand de debout, compter jusqu'à 8, tombe juste, puis à bout, envoyer la poudre, faut que stop, faut qu'on m'achève. Dans mon crâne, c'est capoule, mais ce qui est pas le ring. C'est la différence entre une ballerine et un soldat, je pas un sparring, moi je boum pour le titre. Marine sort du coltard, roule vers la gloire depuis tout petit. C'est ma routine, je puis l'élu, ce sont ces poutines. Putain des mâmes comme une porte de cellule, je m'emporte, l'enfer gèlera. Avant qu'il s'arrache, mon pote, moi pour lâcher la pression, j'ai le rap. Tu veux que je pompe des trucs soft dans ma discographie. J'avais déjà le troisième doigt dressé dans l'échographie. Un flot des poumons d'acier. Mon côté pisse ça fuit. J'ma propre tôle. Seule la faucheuse viendra me gracier. Comme sur un ring. Savoir encaisser les coups. Les rentes garder sa cabro. Mec écoute ma rime. Avant chaud. Peux pas rentrer dans le range. Tu le bites. Assume mes faux. On perd jamais pas. Arrête la rime. Comme sur un ring. Savoir encaisser les coups. Les rentes garder sa cabro. Mec écoute ma rime. Avant chaud. Je veux pas rentrer dans le range, tu bites, assume mes fonds. On perd jamais par arrêt de l'arbitre. L'œil dit la main, il la conseille. Vole comme le papillon, pique comme l'abeille. Et vas-y comme mon gars cogne. Et vas-y comme mon gars cogne. Mec, la vie ça tient à rien. Demande à Vivien Poète, c'est comme ça qu'on vient. Je fais du chemin depuis les chaînes et le fouet. Comme les tours, l'industrie tombe. Je l'ai secoué, c'est con, ils ont trouvé mon cahier de rime attaque dans les décombres. On vient jouer, c'est ta clarté pour ma noirceur. Et jambes écartées, les MC tiennent leur main et comme un vibromasseur. Avant qu'elle crève, ils internautiquent. Avant que l'achève, mon squelette tombe déjà dans la chambre d'un internaute. La sève de la rage coule dans le bloc, prépare un speech. Débarque comment dans les Fnac, notre Roma bitch. C'est le jour de la paye, l'œil guide de poing et le conseil. Vole comme un papillon, pique comme une pute, un abeille. Appuyons sur la gâchette tendue comme à la russe roulette. J'me barre, j'te dis à plus poulette. Faut pas qu'on me serre avant que la zig s'arrête. Faut jamais crier victoire avant ton adversaire soit raide. C'est comme sur un ring, savoir encaisser les coups. Les rangs, garder sa cabro. Mec écoute ma rime, avance chaud. Faut pas rentrer dans le range, tu le bites, assume les faux. On perd jamais pas, arrête la rime. C'est comme sur un ring, savoir encaisser les coups. Les rangs, garder sa cabro. Mec écoute ma rime, avance chaud. Je veux pas rentrer dans le range, tu bites, assume mes faux. On perd jamais par arrêt de la bite. J'épuise pas le stock, ça cogne à chaque reprise. Là c'est la troisième, ça te choque. Y'a plus personne qui zague, c'est ça que j'aime. J'suis pour grind, même pour mon mic dessus. J'suis pas une caille, j'suis un cannibale criminel avec une excuse. Parce que mes chances de survie sont très minces. J'ai un méchant vice, jouer avec le feu en me servant tes mains. Dans le noir, j'roule sans feu, le pitch vient fusiller. J'suis comme une putain de caisse volée avec les freins bousillés. Faut sortir de là, prendre les clés du maton. Si j'étais à peine parti, que c'est plus de cracher déjà sur ma tombe. J'suis revenu, la rue voulait le scud, me pointe dans les temps. J'en prends comme une descente de 50 smith à 6 heures pétante. J'me rappelle les temps vaches maigres quand le beat mug. Qu'est-ce que tu connais de la rue à part le bâton d'immeuble? J'suis mort sans voix, j'ai le ticket pour la prochaine séance. Mec, j'ai niqué la ville et demain accroché à séance. Sur un ring, savoir encaisser les coups, les rampes, garder sa cabro. Mec, écoute ma rime, avance chaud. J'peux pas rentrer dans le range, tu le bites, assume les faux. Personne n'est pas arrête la rime. Comme sur un ring, savoir encaisser les coups, les rampes, garder sa cabro.